Bonsoir, monsieur, dame. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 12934. Non, en fait, j'exagère un peu, c'est la saga des Fab Four 506, c'est déjà pas mal. J'espère qu'on arrivera au 909, puisque, rappelez-vous, One After 909, c'est une chanson des Beatles. On verra ça d'ici là, hein, c'est quasiment dans le double par rapport à maintenant. Je ne sais pas trop quand ce sera, mais ce sera dans longtemps. Bref, l'album de la semaine, c'est l'album 33 and One Third. Jamais facile à dire pour un Français parce qu'il y a beaucoup de « th » dedans. Mais bon, 33 and One Third de George Harrison en 1976. Merci Marc. Et l'album, eh bien, aura 6 extraits comme « This Song », cette chanson qui parlait de son procès pour plagiat de la chanson « My Sweet Lord ». Je vous en reparlerai tout à l'heure. Il y aura également Beautiful Girl, que j'adore cette chanson-là, elle est très très belle. Dear One, True Love, la reprise de Cole Porter, Learning How to Love You, du superbe George Harrison romantique, et Pure Smokey, en hommage à Smokey Robinson. Pour le reste, il y aura du Ringo Starr, du Lennon, du McCartney, et forcément des Beatles, puisque c'est quand même le thème de l'émission. Ringo Starr, ce sera au cappella sur Goodnight Vienna en 74. Lennon nous chantera Instant Karma, mais attention, la version studio démo sur l'Ultimate Collection de Plastic Ono Band. Vous entendrez ça tout à l'heure. Quant à McCartney, il chantera To You sur Back to the Egg. Ah ouais, oui, oui, pas tout le temps. So glad to see you here. Ce sera To You, c'est de la même veine, c'est très bien aussi. Et pour les Beatles, on commencera la soirée avec Oh Darling, sur l'album Abbey Road en 1969. Voilà. Pour le reste, je vous propose de nous retrouver sur Facebook, qui fonctionne, tant mieux. Je pense qu'ils l'ont fait exprès pour que ce soit bon pour mercredi. Sur le groupe La Saga des Fab Four, j'ai appelé moi-même Marc, je sais plus comment, Sunberg, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, oh, mercredi, à La Saga. Il m'a dit, hey, t'inquiète pas, mec, ce sera bon. Bon, trêve de plaisanterie. On commence La Saga maintenant avec cette chanson. Bah, ça tombe bien. Des sangs. Là, franchement, je ne l'ai pas fait exprès. George Harrison sur RG. We'll be right back. chanson. George Harrison explique dans la chanson que là, la chanson qu'il est en train de créer, elle est en E. Alors Marc pourrait me dire quelle note c'est en E, moi je ne sais pas, mais elle a un refrain qui est facile, elle est pas compliquée du tout, blablabla. Son expert lui a dit que c'était OK. Bref, ça n'est pas sujet à controverse et on ne dira pas qu'il y a un plagiat pour cette chanson là. Ce qu'il faut voir, c'est le clip de la chanson, parce que George Harrison est dans un tribunal. Il est enchaîné à un policier, il joue de la guitare, mais comme il est menotté, le gendarme est obligé de suivre. Le jury, il tape la mesure avec son marteau, etc., etc., etc. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est plutôt très marrant parce que cet album de George Harrison est enjoué. Oui, il était de bonne humeur quand il a fait celui-là. Ringo Starr, au cappella sur RG. There's the music in the streets, there's the music in the air, a little old soul beat, there's dancing everywhere. I would tell the whole world, tell them if I could, to add a little song into each life. Oh, it's a finger snapping good. Pardon me, boys, but could you use it? We're gonna make a little music. You got soul, now don't you lose it. We're gonna make a little music. Everything's gonna be mellow. We got just a singing a cappella. Everything's gonna be mellow. We got just a singing a cappella. There's a dancing in the streets, and there's music in the air, a little old soul beat, and there's dancing everywhere. I would tell the whole world, tell them if I could, to add a little soul into each life. You know it's finger popping good. Oh, oh. Hey, pardon me, boys. Just a singing a cappella. Everything's gonna be mellow. We got just a singing a cappella. I said everything's gonna be mellow. Everybody singing a cappella. I said everything's gonna be mellow. Day four. This is calm, it's gonna get you. Gonna knock you right in the head. Karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. get you. Gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. Vous savez que la saga des Fab Four, c'est toute une équipe. Il y a la jolie nana qui est au standard pour répondre à vos appels s'il y a besoin. Il y a ceux qui m'aident à faire des recherches pour pouvoir mettre les bons disques comme il faut. Et justement, celui qui a programmé la chanson Instant Karma, la démo, et qui m'a mis la chanson Instant Karma, celle du studio, faudra qu'on se parle, parce que c'est pas la démo qu'on vient de passer. C'est pas grave, elle est bien comme ça, mais on reprogrammera la démo une autre fois, d'accord? Parce que je vais sévir, c'est moi le patron quand même. What if it happened in a minute? j'aime la voix de Paul McCartney quand il hurle comme ça en 1979 et même 10 ans avant avec Oh Darling. Propose d'écouter deux versions de cette superbe chanson de 1976 qui s'appelle Beautiful Girl. D'abord la version travaillée en 1970, peut-être pour l'album All Things Must Pass, mais ça n'a pas été le cas. C'est une démo donc, ce que vous retrouvez maintenant sur l'édition Super Deluxe, sortie en 2021 de All Things Must Pass. Il y a d'abord cette version, il y aura un petit clin d'œil à Lovely Rita, et après on écoutera l'album de la semaine, Beautiful Girl, la chanson finale. La voici, cette chanson démo d'abord. Shaking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there. But this loving may come as no surprise.

qu'est-ce que j'aime cette chanson. Beautiful Girls, surérigé dans la saga des Fab. On revient aux Beatles et l'album blanc par deux fois. D'abord la version FR Demos de, j'espère que ce sera la bonne, de Dear Prudence, et puis Glass Onion. I told you about strawberry peel. thing is real. Well, here's another place you can go, where everything flows. Look into the feedback tulips to see how the other half lives. Look into a glass onion. I told you about the war is a mean man. You know that we're as close as can be, man. Well, here's another clue being wrong. Se faisait une réflexion sur Facebook pour savoir si la technique suivait. Et justement, je trouve que le son de RG est bien meilleur qu'il y a quelques semaines. Il y a eu un gros progrès fait sur la technique et quelque chose dont vous allez peut-être pouvoir nous aider. Écoutez. Votre radio locale RG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RIG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction @rigfm.fr. Direction@rigfm.fr. On le répétera tout à l'heure et de toute façon, sachez que quel que soit le don que vous donnez, eh bien, c'est déductible des impôts. On peut vous donner la feuille exprès pour ça. Voilà. Truth. No short head, yellow belly, son of a tricky. 1971 sur l'album Imagine, Gimme Some Truth, Monsieur John Lennon. Revenons en arrière de 4 ans, en 1967, le comptable de Paul lui avait conseillé d'investir une partie de ses gains dans l'immobilier. En juin 66, sans l'avoir vu, il acheta une ferme sur la côte ouest de l'Écosse. Hyde Park, entouré de 200 hectares de pâturage, avait été durement éprouvé par les pluies et le vent marin. Les murs étaient noircis par l'humidité. Quelques caisses formaient tout le mobilier et il n'y avait pas de salle de bain. Quand Paul s'y rendit finalement avec Jean Escher, il trouva que cette maison leur offrirait un répit face à la pression londonienne. Fixing a Hole, c'est le titre qu'on va écouter dans quelques instants de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, c'est-à-dire boucher un trou, mais aussi se faire un fixe, une injection d'héroïne, et l'une des chansons qui furent le plus critiquées pour son association avec la drogue. Le public et la critique se refusaient à croire que Paul pouvait bricoler. Ah ouais, donc alors moi on va penser que je peux pas bricoler non plus. Bon, c'est pas grave. Ils supposèrent que ce morceau faisait allusion à un trou dans une veine. Mais la chanson parlait vraiment de rénovation et de réparer un trou dans le toit, là où la pluie entre. Et Paul venait de se livrer à cette occupation dans sa nouvelle propriété, ce qui lui est permis de faire le point « Stops my mind from wandering » et de réévaluer ses projets, ses véritables priorités. Ce sens pratique qu'il venait de se découvrir ne l'empêcha pas de retaper sa propriété de façon plus colorée. « I'm painting my room in a colorful way », comme le raconte Alistair Taylor, qui raccompagna Paul et Jane lors de leur première visite à Hyde Park. « La peinture marron de cette ferme était sinistre. On se serait cru dans un bar d'un aéroport », écrit-il dans ses mémoires. « Yesterday, my life with the Beatles ». Paul décida qu'il en avait assez, il est descendu à Campbelltown, il a acheté des pots de peinture. Et nous avons passé des heures à gribouiller les murs de toutes les couleurs pour que la maison soit moins triste. Rappelez-vous, à ce moment-là, on était dans les swinging 60s et pile poil dans le côté psychédélique. Je pense que la maison devait être assez sympa. Voici le titre, Fixing a Hole sur RIG. And stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. See the people standing there, disagree, never win. Wonder why they don't get in my door. I'm painting the room in a colorful way. And when my mind is wandering, there I will. Parler, si vous le voulez bien, de la chanson, plutôt de l'album 33 and One Third, qui est l'album de la semaine, de cette semaine, de la saga des Fab Four numéro 506.

2007. En 2007, Paul McCartney nous proposait Memory Almost Full, qui veut dire la mémoire est quasiment pleine. Et j'ai eu peur, je me suis dit, est-ce qu'il en a marre? Est-ce qu'il est fatigué? Non, il continue à nous sortir de très très bons disques, et ce, depuis le début des années 60. Merci Paul McCartney, merci aux Beatles, parce que les autres aussi ont sorti d'excellents disques. Et on revient justement aux Beatles, avec cette chanson 1969 pour nous, c'était à compter, vous imaginez, un feu de camp sur la plage, on s'est interdit, mais on va dire imaginez justement. Et puis tout autour de quelqu'un qui sait jouer de la guitare, c'est malheureusement pas moi, et on fait 1, 2, 3, 4, tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Little more, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. A, B, C, D, can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J, I love you. Sail the ship, chop the tree, skip the rope, look at me. All together now. All together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now. Black, white, green, red, can I take my friend to bed? Pink, brown, yellow, orange and blue, I love you. All together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now. The tree, boom, boom. Skip the rope, boom, boom. Look at me. Je vous propose les Beatles sur l'album qui va ressortir, l'album Let It Be, le coffret super deluxe, celui-là on l'attend vraiment, ça risque d'être très très très bien. Voici For You Blue, la version du mix de John Glyn. Écoutez. De Glyn Jones. De Glyn Jones, pardon, j'ai lu à l'envers. Quiet please. Because you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl, for you. Thank you. lovely girl. I love you because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. Du bruit avec le siège. De 1969, nous sommes passés à 1974 avec l'album Walls and Bridges de John Lennon et cette chanson Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox. L'album de la semaine, c'est maintenant. C'est l'album 33 and One Third de George Harrison en 1976. Et voici la fameuse reprise de Cole Porter. Je vous ferai écouter un jour la chanson de Cole Porter qui est plus lente. Et vous verrez, réaliserez que lorsque George Harrison reprend des chansons, bien il les met à sa sauce. Et c'est du plus bon effet. C'est bien. C'est bien George Harrison. J'aime beaucoup, figurez-vous. Voici True Love sur RIG. On l'a dit en début d'émission, un album enjoué, et on dirait bien.

album qui s'appelle Songs Around the World est aussi intéressant à écouter qu'à voir, parce que les musiciens et les chanteurs n'étaient pas présents au même endroit, au même moment. Ça a été vraiment pris n'importe où dans le monde et filmé aussi pour bien prouver que c'est une unité. Songs Around the World et Playing for Change, voilà, c'est le nom du groupe, de ce groupe éphémère et extraordinaire. Et moi, franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment très, très, très bien. Maintenant, après la cover, je vous propose le fils d'eux. Vous savez, d'habitude, maintenant, là, c'est quelque chose qui peut ressembler aux Beatles. Et puis là, oui, ça ressemble beaucoup à la voix de John Lennon. C'est Julian Lennon qui nous avait, en 1986, il me semble, oui, sur le musical Time, chanté une chanson qui s'appelle « Time Will Teach Us All » sur RIG. To listen to from time to time. History feels like a part of me. Is every century a spiral we all climb? I guess time will teach us all. Time will teach us all. Something here to find. Something invisible underlying. Oh. And could it possibly be that everything might someday come clear for me? Time will teach us all. Time will teach us all. Time will teach us all. Time will teach us all. Time will teach us all. Time will teach us all. saga des Fab Four tous les mercredis de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Non. By Hickle Fickle. L'album paru en 1984, mais cette chanson aurait pu paraître sur Double Fantasy en enlevant par exemple une chanson de Yoko Ono et on aurait pu loger celle-là, finie certainement, parce que là, elle a été finie post-mortem forcément sur l'album Milk and Honey. Et si Ringo Starr avait chanté cette chanson du temps des Beatles vers 1969, elle serait passée crème. Voici In a Heartbeat sur probablement le meilleur album de Ringo Starr, Time Takes Time. If your world ain't turning round, I'll make it turn around for you. I'll do whatever I can do. If you ever need someone,

Vous avez marqué sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, un masterpiece, donc un chef-d'œuvre. Que penser de, des deux suivantes? Inutile de présenter. Girl, you let your knickers down. I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the walrus. Cuckoo, cuckoo.

dernière chanson pour présenter Eric, Rock Around the Clock 2022 par Ringo. À l'écoute, il m'a dit 2022. Bah quoi, on n'est pas en 2022 puisque je dis c'est la 38e saison de la saga des Pop Four. Oui, bah, elle a commencé en septembre, mais en 2022, ça fera 38 ans que j'ai commencé la saga des Pop Four. Donc tout est lié finalement. Mais on est encore en 2021. C'est sur l'album Change the World. Dans quelques instants, il est là, il est beau, il est fort. C'est le meilleur. On l'appelle comme ça dans le métier. C'est Eric pour Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut, ciao.